Ce vendredi, à la vie en BD, un regard sur de multiples activités et expositions qui s'en viennent à Québec. Vie d'objets, Rouge Ketchup, histoire de quartier. À tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette nouvelle édition de La Vie en BD. C'est toujours un plaisir évidemment d'être avec vous au fil de ce 60 minutes consacré au 9e art ici sur les ondes du 89.1. Et cette semaine, un 9e art qui sera tout particulièrement à saveur événementielle. Première de deux, si l'on peut dire, à l'approche du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, puisque ce vendredi, on porte un regard sur des spectacles qui s'en viennent au fil des prochains jours et également des prochaines semaines. Et à la prochaine édition, puisque La Vie en BD fait relâche pour le Radiotemps de CKRL vendredi prochain, donc le vendredi suivant, le 3 avril, on sera de retour une nouvelle fois avec des événements, des spectacles. Question de témoigner de la vitalité qui occurre présentement du côté de Québec dans la planète BD. Alors pour cette semaine, on porte un regard d'abord sur la performance Vie d'objet qui est présentée ce soir du côté du Musée de la Civilisation. On va en parler avec Frédéric Brunet, musicien, Francis Dernay, auteur BD. Également, Francis Dernay va rester avec nous pour jaser de Rouge Ketchup, un spectacle multidisciplinaire qui est offert du côté du Cercle les 24, 25 et 26 mars prochains. Donc un spectacle hommage à Rouge Ketchup avec des artistes audio, bande dessinée, arts visuels, vidéo. Alors, on porte un regard là-dessus avec Francis et également avec le directeur de création, Jocelyn Pelletier. Aussi, en deuxième partie d'émission, il y aura Catherine Lemieux et Alex Carou qui seront sur place pour nous parler de l'exposition Histoire de quartier qui, elle, est présentée du 1er au 11 avril à l'espace Galerie Sherpa sur le boulevard Charest. Alors, question de voir un peu cette exposition qui s'en vient assez prochainement et également de voir les activités autour de cette expo-là qui est consacrée au quartier de Québec. Alors, c'est le menu pour l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité, peut-être deux petites nouvelles sur lesquelles j'ai envie d'attirer votre attention. Alors, tout d'abord, Gaston Lagaffe sera porté au cinéma. Hein, oui, en fait, c'est UGC qui a acheté aux éditions Dupuis les droits d'adaptation de Gaston Lagaffe. C'est Pierre-François Martin Laval, dit PEF, qui a été chargé de la réalisation. L'ancien membre de la troupe des Robin des Bois, réalisateur des Profs également, tiré de la série BD de Pika et Héroc, devant tourner auparavant les Profs 2. Donc, Gaston Lagaffe va arriver un peu plus tardivement, va arriver en 2016 sur les écrans. Et déjà, si vous avez farfouillé justement sur le web, beaucoup de spéculations, beaucoup de réflexions quant à savoir qui va incarner le légendaire personnage BD de Franquin. Dans un tout autre registre, il y a des résidents de Winnipeg qui ont demandé à une librairie Chapters de mettre fin à la vente de la bande dessinée Tintin en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils la jugent raciste à l'égard des Premières Nations. Les plaignants estiment que le livre, sorti au début des années 30, véhicule une vision péjorative des Autochtones qui sont appelés peaux rouges par Hergé, le créateur des aventures de Tintin qui est décédé, on le rappelle, en 1983. Il disait en entrevue à Radio-Canada, et j'ouvre les guillemets, « Je crois que ça alimente les stéréotypes. Les Indiens sont présentés comme des êtres sauvages et dangereux, des êtres que l'on doit craindre. » C'est ce que disait donc Leslie Spilett, un plaignants. Alors, ce serait intéressant de voir, évidemment, la suite de tout ça. Donc, la librairie Chapters a retiré temporairement le livre la fin de semaine dernière, l'a remis ensuite en vente. Alors, donc, il y a un débat qui a été lancé un peu autour de ça. On se rappelle quand même qu'il y a 8 ans, c'est 68 librairies Borders au Royaume-Uni qui avaient déplacé le célèbre album Tintin au Congo, des rayons de bande dessinée pour enfants à ceux destinés aux adultes. C'est un livre qui avait été critiqué par égard à un contenu raciste. Alors, Donc, de quelle manière il y aura réception sur Tintin en Amérique? De quelle manière le débat va se positionner? Est-ce que on place ce livre-là comme témoin d'une époque? Est-ce que on doit le juger face à des yeux d'aujourd'hui, dans un contexte de relation qui a peut-être évolué, qui a changé? Est-ce que le livre était raciste à l'époque, dans le contexte de l'époque? Il y a quand même une réflexion intéressante à avoir autour de ça, et évidemment sur l'évolution des œuvres qui sont proposé au fil du temps. Alors, j'en dis pas plus, évidemment. Je vous laisse poursuivre la réflexion. L'article, je l'ai relayé, ainsi que l'autre sur lequel j'ai fait mention concernant Gaston Lagaffe sur le Facebook de La Vie en BD. Vous pouvez aller faire un tour, donc, facebook.com/La Vie en BD. En musique, cette semaine, c'est la trame sonore de Shovel Knight, pourquoi pas, qui nous accompagne. On va vraiment dans le jeu vidéo cette semaine, littéralement, même dans ce cas-ci. Mais bon, c'est très bon et relativement récent. Alors, une trame sonore de James Kaufman, et on en écoute immédiatement un premier extrait. Qui a lieu ce soir à deux reprises, à 19h et à 21h, au Musée de la Civilisation. Performance qu'on a le plaisir de proposer via Parenthèse 9, qui est présentée dans le cadre d'une soirée qui s'appelle Décoder le monde. En fait, depuis 17h, l'entrée au musée est gratuite jusqu'à 23h ce soir. Donc, une belle occasion, une belle excuse, évidemment, pour se rendre au Musée de la Civilisation. Et un peu en amont de leur performance, on a invité deux des participants à cette activité, à cette performance qui s'appelle Vie d'objet. Alors, Francis Dernay, BDiste, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Brunet, musicien, bonjour. Bonjour. Alors, Vie d'objet, essentiellement, vous inspirez, et on s'inspire finalement, parce que j'ai le plaisir aussi d'y collaborer, d'œuvres qui sont présentes dans l'exposition Le Temps des Québécois pour en tirer une performance musicale et visuelle. Alors, de quelle manière, peut-être d'emblée, on parle des photos, des objets, comment s'est fait un peu le choix, justement, des sources d'inspiration pour ce projet-là? En fait, avec Francis, on était allé se promener au Musée de la Civilisation. Et là, on s'est promené 30-45 minutes, un peu comme des touristes normaux, je dirais. Puis en cherchant à chacun des objets, qu'est-ce qui inspirait, autant musical que visuellement, qu'est-ce que ça pouvait nous amener comme décor, comme ambiance, voir, c'est ça, un peu dans l'histoire du Québec, parce que chaque objet est lié à une histoire du Québec. C'est ça, qu'est-ce que ça nous inspirait? C'est ça, autant d'une façon auditive que visuelle. Il y en a que c'était plus facile, il y en avait que c'était plus complexe, mais à travers tous ces objets-là, on a réussi à tranquillement développer une trame, comment chaque objet pouvait rentrer en interaction avec un autre. Qu'est-ce qui amenait comme sujet, comme titre, là, en fait. Parce que ça va être une suite de tableaux, mais des tableaux qu'on veut justement relier thématiquement. Oui, exactement. Chaque objet, on essaie de trouver un fil qui relie. En fait, le fil, c'est l'histoire du Québec, mais on essaie de trouver des thèmes peut-être plus pointus qui permettent de relier l'histoire du Québec. Et qu'est-ce qui fait justement qu'un objet va être inspirant? Parce que dans la sélection, exemple, il y a un tramway. Donc, qu'est-ce qui fait que le tramway va parler d'un niveau visuel autant que d'un niveau musical? Souvent, il y a des choses comme le tramway. N'importe qui, on dit un tramway, il y a un rythme. Le train, ça fait partie des objets qui tout de suite amènent quelque chose qui est profondément rythmique. Puis ce qui est drôle, c'est que justement, j'étais avec Francis, puis souvent, il me proposait des choses que je me disais, voyons donc, c'est sûr que ça, je pensais qu'il y allait plus visuel, mais ça aussi, pour moi, ça évoquait quelque chose de très musical, très rythmique. Donc, c'est ça, il y avait beaucoup d'objets qui amenaient quelque chose automatiquement. Là, comme ça. C'est un peu le défi, je dirais, dans la sélection des objets. C'était que quand moi je regardais, je me disais, visuellement, ouais, ça se peut. Je voyais des objets, puis je me disais, c'est sûr que ça m'inspirait, mais fait que là, je m'étais dit, un peu pas la contrainte, mais le défi supplémentaire de, OK, mais je vais essayer de penser en termes de son aussi. Est-ce que cet objet-là me parle autant au niveau sonore qu'il pourrait le faire au niveau visuel? Il y avait des trucs plus évidents que d'autres. T'sais, c'est sûr que tu avais des fois des beaux vases en porcelaine avec des beaux appliqués, t'sais, mais je me disais, ben ouais, c'est beau, mais au niveau sonore, ben c'est comme, je trouvais ça un peu plus limité, t'sais, que par exemple le signe de tramway ou qu'est-ce qu'on avait d'autre. Il y avait des choses qui comme le soufflet, tu sais, des choses comme ça. Il y avait je trouve ça vraiment intéressant comme démarche de simplement voir l'objet d'une autre façon. Comme on va dans un musée, on se dit pas tout de suite, visuellement, est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça m'inspire. T'sais, on n'essaie pas d'aller chercher plus loin, mais là on s'est dit deuxième niveau, soufflet, un vent, les vents, l'orgue, peut-être ça c'était des choses intéressantes. Après ça c'est pour la construction d'un pont, le pont, qu'est-ce que ça l'inspire, puis etc. Le pont d'un passage à l'autre, puis faire toutes des liens avec ça, de voir l'objet comme un motif de création. Ça, au départ, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Même si c'est le début, la première étape, c'était ça. Et en même temps, on parlait tout à l'heure de l'aspect rythmique, évidemment, rythmique qui anime le côté musical, mais j'imagine le côté rythmique qui anime aussi la performance au niveau dessiné, qui donne un rythme au trait, au crayon, etc. Rapidement comme ça, j'irais moins dans cette ligne-là, parce que le rythme du dessin, c'est un truc qui est propre à chaque dessinateur, parce que là on va être deux. Il va y avoir moi qui va faire l'animation en direct, mais il va y avoir aussi Estelle Bachelard, Alliance Bac, qui va elle faire qui va créer des illustrations en direct. Donc les deux, on va avoir un temps imparti pour créer une animation puis une illustration, mais après chacun dessine un peu à sa façon, ce qui fait que je sais pas à quel point que les deux, on va modifier notre rythme de travail parce qu'on travaille sur tel ou tel objet. Mmh. Tu sais, je pense pas. Tu sais, je pense que je pense qu'on va être un peu dans l'urgence, un peu comme à l'impro BD où il faut aller rapidement puis qu'il faut il faut opérer. Donc le rythme va être le même sur le tramway que sur, mettons, le calumet de la paix, là, tu sais. et au niveau musical, d'ailleurs, on parlait du duo, donc Francis et Bach vont dessiner. Frédéric Brunet, toi, tu vas être avec Nicolas Jobin. Vous serez pas dans le même espace non plus, donc on n'aura pas la même communication que celle qu'on voit, par exemple, du côté de l'impro BD. Vous allez être un peu plus loin. Comment va se faire le dialogue musical? Là, déjà, on a commencé à parler sur les différentes choses qu'on allait apporter demain. Il va y avoir cette sorte de complémentarité là, qui est en même temps dans une sorte de dualité, comme dans complémentarité dans les deux scènes, disons. Mais on va quand même travailler ensemble pour monter ça. De base, avec Nicolas, on travaille pas tout à fait sur les mêmes affaires. Au début, Nicolas est beaucoup plus chanteur avec du clavier. Moi, d'habitude, je travaille sur les instruments à cordes, mais il y a aussi des choses que je vais amener demain sur lesquelles j'aimerais travailler. Exemple, un téléphone, des choses comme ça qui sont évoquées. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme son avec ça? Même, il y avait d'autres choses aussi. Je suis allé enregistrer des choses aujourd'hui qui fait partie de ce qu'on entend dans la vie de tous les jours et qui sont évoqués par ces objets-là. On va tout mélanger ça ensemble puis faire une sorte de trame sonore de tout ça. Quand je parlais avec Nicolas, je pensais beaucoup au film de Frédéric Bach, ou je sais pas si je me rappelais plus c'est quoi le titre du film, et la chaise berçante. Crac, c'est ça, avec une chaise berçante, et c'est un peu la même chose, un peu c'est un récit de cette chaise berçante-là, à travers les âges, comment elle évolue, mais c'est purement musical, c'est purement des ambiances qu'on entend dans les fêtes, tout ça, ces objets-là évoquent à la même façon une sorte d'ambiance, une sorte de trame sonore de la culture québécoise. C'est ça qu'on va essayer de regarder à travers ces objets-là demain, là. Et vous avez l'habitude de travailler au niveau musical, d'accompagner le dessin, de se créer à partir du dessin l'impro BD. Francis, toute l'impro BD, évidemment, il y a le travail que tu fais notamment avec Fred Lebrasseur. Qu'est-ce que la musique vient apporter au dessin? On a évoqué un peu les prémices de cette réponse-là tantôt. J'aimerais ça qu'on développe un peu. Puis inversement, qu'est-ce que le dessin vient apporter aussi à la musique, Frédéric? Pour ce qui est de ce que la musique vient apporter au dessin, là, je te dirais que oui, le rythme peut se, le rythme de dessin peut se faire influencer par le rythme de la musique. C'est vrai que si le tempo est plus lent, on peut avoir tendance à faire à dessiner plus lentement. Bon, en général, après, il y a toujours des exceptions, mais après, moi, je joue pas de musique, là. Je suis pas un musicien. Mais j'aimerais bien ça faire du rock and roll comme tout le monde. Fait que, tu sais, d'être sur une scène avec un autre musicien, puis de participer un peu à un spectacle, ben, c'est aussi le sentiment de faire partie d'un show, de sentir qu'il faut que tu fasses quelque chose là, tu sais, à ce moment-là. Puis la musique, le fait d'être accompagné d'un musicien, ben ça permet justement de que si on met ça sur une scène, ben c'est intéressant pour le public, tu sais. Si on met juste un dessinateur, pas de projecteur, pas de caméra, rien, puis qui fait juste dessiner, le monde, ils vont vraiment trouver ça plate. Donc si on vient mettons à la question de tout à l'heure du tramway, si Fred et puis Nicolas s'inspirent du rythme du tramway, ben oui, à ce moment-là, peut-être que ça va influencer notre façon de dessiner. Mais c'est pas forcément le tramway en lui-même qui va le faire, c'est en passant par la musique. Mais est-ce que, je peux poser une question, je me demandais, est-ce que c'est arrivé dans des shows justement avec Fred Lebrasseur ou dans des matchs d'impro que ça soit un élément musical qui t'amène une idée, vraiment. Là, tu dis que ça se voit en complémentarité, mais est-ce que ils motivent même, je dirais? Tu sais, on dirait que de la façon que tu en parles, c'est comme ils vont ensemble, mais est-ce que vraiment tu as déjà senti tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. D'avoir entendu quelque chose dire, mais surtout Fred, il amène plein de choses, ouais. Tu sais, il va surtout de Fred. Non, mais j'imagine bien Fred Lebrasseur, là, tu sais. Puis de dire, ah, OK, il a tapé sur telle chose, il y a tel rythme, hey, ça me fait penser à ça, ou est-ce que c'est arrivé? Sûrement, parce que ça a pas le choix d'influencer. Oui, bien sûrement, c'est juste que j'ai pas d'exemple en tête précis, mais c'est sûr que dans le travail, souvent on dit que c'est de l'improvisation, mais moi je me prépare quand même un peu d'avance parce que l'animation, faut quand même que je sache un peu par où je m'en vais. Puis souvent quand on a le temps avec Fred, ben on fait de la musique aussi, on travaille la musique aussi. Ce qui fait que là, à ce moment-là, lui, il dit, ah ben là, on fait quoi sur la corbeau? J'y arrive avec plein d'instruments bizarres qui sonnent d'une certaine façon. Fait que là, oui, tu sais, mais en même temps, à chaque fois, on a toujours un thème, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent ce thème-là qui fait que qu'on amène chacun de notre côté notre bagage de notre discipline, tu sais, un peu comme ce que ça risque de faire demain. Moi je vais le voir d'une façon visuelle, mais c'est sûr que le rythme, oui, va m'influencer, j'espère, tu sais. Je pourrais essayer de nous donner ça un peu comme contrainte, de me laisser plus influencer, ouais, par la musique, puis peut-être de me laisser une porte ouverte. OK, on fait ça. Moi, je... Ouais, je comprends. Mais ça, ce soir. Ça me fait penser que ça serait une bonne question à se poser si le dessin et la musique ont un rythme semblable. Je pense que oui et non. Ou c'est des rythmes qui peuvent être en accord, mais, tu sais, nous, on voit quelque chose à l'écran, tout de suite, Yannick, on se parle, puis, OK, ça, on parle ça. 5 secondes après, on est là-dedans. Tu sais, on essaie de diriger ça, tandis que je pense que pour le dessin, ça peut se faire, mais, tu sais, toi, de l'animation, c'est pas, je dessinais justement une chaise berçante, là, ça pourrait devenir i. Ouais, mais c'est plus dur de s'en virer sur un dixaine. Ouais, là, par rapport à ça. C'est sûr que, mais en même temps, en impro BD, des fois, il y a une catégorie où on part de la musique directement. Ouais. Sauf que là, c'est que justement, c'est que le thème, est musical. Donc, contrairement aux autres performances que j'ai pu faire, où là, on part d'un thème qui est déjà là. Là, c'est vrai. Si vraiment on disait, OK, il y a juste la musique qui influence, ben là, j'aurais pas le choix, tu sais. C'est différent. Les rapports au temps de ces deux, le dessin et la musique, c'est vraiment différent, là, je pense. C'est ça que ça me fait penser. Dans le sens que quand vous dessinez à la Liquid BD, souvent, vous prenez un objet de la musique, puis vous partez sur ça, puis ça fleurit, là. Tu sais, à partir d'un, ça fleurit. Tandis que, des fois, j'ai l'impression qu'en musique, on peut aller je sais pas, il y a comme plusieurs éléments qui peuvent se greffer. Il faut voir, hein, c'est pas fini, on n'a pas fini de regarder les liens entre les deux. Et à la limite, en fait, je pense que ça peut être intéressant justement que les gens viennent ce soir pour voir un peu ces propositions-là, viennent questionner peut-être un peu justement l'interrelation qu'il va y avoir entre les deux, si ça reste un exercice improvisé qui va être proposé ce soir à 19h et à 21h au Musée de la Civilisation. Donc ça peut être l'occasion justement aussi de le voir, surtout dans un contexte où justement pour ceux qui connaissent l'impro BD, mais où justement il n'y a pas d'impro. Ce n'est que le dessin et la musique qui portent la performance. Alors, je pense qu'on peut lancer l'invitation d'emblée. De toute façon, Frédéric Brunet, nous aussi, on aura l'occasion d'en reparler de ça, puisque dans deux semaines, tu vas venir faire un tour pour parler de certains spectacles qui sont présentés au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ouais. Alors, d'ici là, bonne suite. Merci, aussi. Et Francis Desharnais, puisqu'on parle d'autres spectacles qui s'en viennent, il y en a un qui s'en vient aussi la semaine prochaine. Alors j'ai envie de te dire, tu restes avec nous pour qu'on poursuive un peu la discussion. À tout de suite. De la vie en BD, toujours sur CKRL 89.1. Et on poursuit dans ces regards autour de spectacles, d'activités liées au monde de la bande dessinée qui ont lieu à Québec au fil des prochaines semaines et au fil des prochains jours. Alors, prochain regard, on le porte sur Rouge Ketchup, donc une performance, un spectacle multidisciplinaire auquel j'ai le plaisir de participer, qui est offert donc par parenthèse 9 au Cercle les 24, 25, 26 mars prochains. Et pour nous en parler, il y a Francis Desharnais qui est toujours avec nous. Bonjour. Bonjour. Et également, Jocelyn Pelletier, directeur de création du projet. Bonjour. Salut. Alors, peut-être d'emblée, donc Rouge Ketchup, on parle d'une une expérience multidisciplinaire. Pouvez-vous nous présenter peut-être un peu le spectacle, à quoi s'attendre un peu de cette soirée-là? Oui. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer dans le sous-sol du Cercle, puis on a pris le pari de situer un petit peu la performance qu'on va surtout miser sur les sensations, tant visuelles, sonores, auditives, c'est ça. Et non, pas gustatives quand même, mais peut-être un peu finalement. Donc, on se situe vraiment dans la psyché de Red Ketchup. Donc, c'est vraiment... on va situer ça un petit peu dans une chambre d'hôtel délabrée. Il va y avoir différents intervenants qui vont être un peu personnalisés. Est-ce que c'est des doubles de Red Ketchup? Est-ce que c'est des gens qui participent à sa paranoïa? Est-ce que c'est des soldats? Est-ce que c'est des clones? Ça, c'est plein de belles questions que le public pourra se poser. Mais au sein du sous-sol, on va avoir une espèce de continuum d'action qui va être à la fois sur un peu l'idée de le côté instable du mental de Red Ketchup. Donc, on a autant des crises que des moments d'accalmie, aidés par, évidemment, les médicaments, comme on le sait bien. Donc, ça va être ça. On va avoir de la performance vidéo. On va avoir de la BD live par Francis. On va avoir aussi toute l'ambiance scénographique pensée, réfléchie avec Karine McTow. Puis, évidemment, l'ambiance audio faite par Éric Dorion. Donc, nous aurons une façon, en fait, pour bâtir cette soirée-là, pour bâtir ce spectacle-là. Il s'agit d'aller chercher, d'aller essayer de trouver les thèmes, les éléments récurrents et trouver une façon de les structurer, d'une certaine façon, au fil d'une soirée, au fil d'une heure. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on a pris de l'œuvre de Red Ketchup au sein de l'équipe, puis que t'as amené, Raymond. Donc, on a pris ça, puis là, on fait différentes interventions, tant visuelles ou sonores, ou encore même de performances autour de ces thèmes-là qui sont sous le contexte vraiment de la psyché de Red Ketchup. Donc vraiment des fantasmes, des peurs, de la paranoïa. Et Jocelyn Pelletier, évidemment, au fil de des créations, au fil des dernières années, on te veut explorer justement beaucoup l'aspect de la création multidisciplinaire, surtout avec une assise théâtrale, évidemment, mm-hmm. que ce soit Disparaître ici, qui est présentement à l'affiche au Périscope, que ce soit Radical K.O., Moi Multi, Electronic City avant, etc. Quel est un peu l'avantage dans le travail de création de faire intervenir conjointement plusieurs disciplines, plusieurs langages artistiques? En fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis en même temps qui est un piège, c'est que les langages artistiques ne sont pas que des apparats. Donc c'est ça qui est toujours ça l'enjeu, parce que c'est bien beau là avoir de la vidéo puis de l'audio puis tout, mais après ça, il faut vraiment les utiliser comme moteurs dramatiques, comme moteurs de création qui veulent dire quelque chose puis qui amènent une expérience supplémentaire pour les spectateurs. Puis ça, c'est vraiment comme ça que je travaille. Puis je commence à savoir un peu plus comment ça marche, mais à chaque fois, c'est un beau casse-tête puis c'est vraiment excitant. Par exemple, au Moi Multi, c'était vraiment... j'avais tous les joujoux que j'ai jamais voulu avoir, mais après ça, OK, qu'est-ce qu'on fait? Un château? On fait un avion? On fait... C'est ça la question. Donc, c'est toujours bien intéressant. Puis, il y a quelque chose de très on the spot avec cette création-là, qu'on peut y réfléchir, on peut avoir des axes qu'on a envie d'explorer, mais c'est vraiment dans l'expérience que ça se déploie. Et j'imagine que le défi est de trouver un terrain commun ou nécessairement que le spectacle, que l'idée de performance devient le langage commun pour mm-hmm. ces disciplines-là. Oui, oui, c'est ça. C'est que toutes ces disciplines-là, faut qu'ils servent un intérêt commun, exactement comme tu le dis, puis qui fait avancer la dramaturgie. Aussi, ben en tout cas l'expérience du moins du spectateur. Donc c'est sûr qu'ils ont chacun leur moment, mais encore il faut trouver l'équilibre de tout ça. Et Francis Dernet, de ton côté, évidemment, on t'a vu au fil des performances travailler beaucoup avec la musique, un peu avec l'improvisation aussi à travers l'impro BD. Dans ce cas-ci, tu te retrouves avec justement un metteur en scène issu du théâtre, un scénographe issu du théâtre, des artistes visuels, des artistes sonores. Comment on se place un peu comme performeur et comme BDiste dans un groupe de travail comme celui-là? Ben, on se place, je dirais... L'idée, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est les rencontres, c'est de prendre, bon, ce que je fais, le dessin animé, puis dans les dernières années, de l'amener avec la musique, puis justement de mettre le pied un peu là-dedans, dans la multidisciplinarité, de se rendre compte que c'est le fun quand je dessine puis qu'il y a quelqu'un qui reprend le son de mon crayon puis qui fait de quoi ou qui ajoute de la musique, ben ça donne envie justement de pousser vers d'autres rencontres, donc d'aller vers justement un metteur en scène avec un artiste audio, artiste vidéo, ben c'est un peu de continuer à explorer cette trail là, tu sais. Donc ça se poursuit quand même. Ça reste dans la continuité de ce que je fais, mais c'est de l'amener ailleurs. Puis c'est ce qui fait que je m'étonne pas non plus de faire ce type de performance-là. Oui, parce que j'imagine avec Frédéric Laliberté qui, on l'exploite un peu plus dans le spectacle au niveau de son travail comme artiste vidéo, que ce soit à travers des animations, que ce soit à travers du mix vidéo aussi. De ton côté, t'as un langage aussi visuel, performatif, animation directe. Comment se fait un peu le croisement? Comment se fait un peu la mise en commun de vos expertises puis de vos perspectives par rapport au visuel? Ben, en fait, le point de rencontre, c'est Red Ketchup. Puis je pense que c'est un bon thème parce que c'est un thème qui est riche, qui a quand même beaucoup de autant au niveau visuel qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, mais aussi au niveau des thématiques. Donc, la rencontre s'organise autour de ça. C'est-à-dire que si maintenant on parle des pingouins, ben chez Frédéric, les pingouins vont y amener certains types d'espoir de création, certains types d'images. Pour moi, ça va en être d'autres. Pour Eric, ça va être autre chose. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'on se donne des points de départ issus de l'univers de Red Ketchup. Puis ça nous amène à voir, moi, dans ma discipline, qu'est-ce que je peux faire? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah, tu ferais ça? Ah, c'est cool. Moi, par rapport à ça, je pourrais faire ci et ça. Et c'est un peu comme ça qu'on, pour l'instant, on travaille. Francis Desharnais, Jocelyn Pelletier. On prend une courte pause, on reste là-dessus. Je pense qu'au retour, on va poursuivre exactement dans cette lancée-là sur la notion de collaboration, entre autres, et sur la manière dont on construit cette collaboration-là. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1. On se retrouve dans deux petites minutes. À

qu'il avait amené des propositions, qu'il y avait une démarche de collaboration. En fait, il nous parlait justement de la façon dont cette démarche de collaboration-là s'était construite à l'intérieur du spectacle. Et... Ce que je me rappelle aussi de ton côté, Jocelyn, t'es beaucoup au départ passé par l'axe pour amorcer le travail, mais dites-moi ce que vous voulez faire, dites-moi ce que vous avez envie de faire, dites-moi ce que vous faites au bout du compte. Mm-hmm. Puis c'est ça qui va venir m'alimenter au niveau de la direction de création du projet. Oui, absolument. Puis je pensais à ça. Puis juste aussi le contexte, comme c'est qui ces gens-là, pour dépasser un petit peu le côté performance moins contextualisé, qui m'intéresse un peu moins, puis que je trouve que là, dans le cas qu'on a ici, ça vaut à peine d'y penser au contexte. Puis par exemple, ça, avec la scénographie, avec les costumes à quelque part, juste pour qu'on décolle, qu'on va pas au sous-sol du cercle, puis on vient voir notre ami Francis faire de la BD. Non, c'est comme autre chose. On est dans un autre vibe, on est dans un univers à proprement parler, on est même dans l'idée d'un huis clos, puis c'est comment l'articuler, tout ça. Donc, comment, jusqu'à quel point tous les mouvements de Francis vont attirer l'œil, comment il va bouger, comment les télés, par exemple, qu'on va faire, qui vont bouger. Paul, est-ce que ça va être une présence complètement dérangeante par son immobilité, par le fait peut-être qu'il peut être complètement excité tout le temps. Donc, c'est vraiment toute cette mise en contexte-là qui va m'intéresser, puis que je pense qui va amener l'expérience plus forte, parce que le public va être dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Puis c'est ça qui m'intéresse. Puis avec les spectacles, c'est d'amener dans un univers que le public connaît pas, puis tranquillement, on révèle les codes, puis là, ensuite, là, le public comprend ce qui se passe. Et finalement, on parlait au départ justement des amorces d'exploration qui étaient beaucoup ressorties, ben, d'abord d'un point de vue thématique, puis ensuite j'ai l'impression que rapidement, justement, la question de l'espace, de l'occupation de l'espace, de la mise en espace, c'est devenu un peu le cœur de la réflexion aussi, venir orienter le reste finalement à partir du lieu. Ouais, vraiment. Puis comme le lieu est riche, ben on serait bien fou de pas l'utiliser. Puis il y a vraiment quelque chose du... qu'est-ce qui s'est passé? Et Francis au niveau de la performance et j'ai mes comédiens aussi, tu sais, je crois vraiment à marquer le trait justement. Et c'est cette là avec des artistes quand même vraiment au fil de la semaine, ce projet un peu créé dans l'urgence, dans la mesure où on s'est donné, dans le fond, à peu près 2 semaines de création en route vers la performance. Et est-ce qu'il y a un côté qu'apporte l'urgence, un bonus qu'apporte la création dans l'urgence, d'une certaine façon? Ben, c'est un couteau à deux tranchants, parce que là, dans le cas ici, pour la création, je pense que c'est la bonne chose et que c'est bien, parce que ben justement, il y a quelque chose de splash là, de Red Ketchup. Puis moi, avec Eric, on a travaillé comme ça au sol du cercle pour un autre truc, puis ça marche assez bien. Quand c'est bien contextualisé, puis les artistes le savent d'avance, donc il y a tout un travail en été fait. Ils le savent d'avance, donc il y a tout un travail en été fait, chacun bord. Et au niveau justement de, c'était peut-être de ton point de vue à toi, on se lance avec André Algodbout, Pierre Fournier, on développe à partir de ça, que tu avais levé la main, que tu avais dit, ben oui, c'est-tu la piste, on se lance. Ben, c'est du mien au niveau visuel, quand complètement, je voyais comme des possibilités assez vastes à partir de... Évidemment, les 24, 25, 26 mars prochains, donc une expérience autour de l'univers de Red Ketchup, une expérience hommage aussi à sa façon à l'univers de Red Ketchup. Alors, on vous laisse retourner justement au boulot, évidemment, le dernier sprint en route vers les représentations. Jocelyn Pelletier, Francis Dernay, merci beaucoup à vous deux. Merci. Raymond Poirier toujours avec vous pour cette édition de La Vie en BD. Et évidemment, beaucoup d'activités BD qui se préparent. On est à l'aube de la 28e édition du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et ben, on a déjà parlé quelques activités en première partie d'émission. On en regardera également d'autres à la prochaine édition de La Vie en BD le 3 avril prochain. prochain. Mais on va prendre quelques instants maintenant pour en regarder une qui commence au début du mois d'avril. Ça s'appelle Histoire de quartier. C'est une exposition d'auteurs émergents, 11 auteurs émergents qui s'associent pour une présentation qui aura lieu du 1er au 11 avril à la galerie de l'espace Sherpa, donc sur le boulevard Charest. Et pour nous en parler, je suis en compagnie des deux responsables de ce projet-là. Catherine Lemieux, bonjour. Allô. Alex Carreau, bonjour. Bonjour. Et par totale transparence, c'est avec vous, j'ai le plaisir d'ailleurs de collaborer à ce projet-là et aux côtés justement des 9 autres auteurs qui y participent également. Peut-être pour se mettre en contexte, donc ça s'appelle Histoire de quartier. Ça fait référence à un projet qui avait été présenté l'an dernier au festival qui s'appelait Des histoires muettes. Exactement. Lors de l'année précédente au FBDFQ, nous avions réuni plusieurs artistes. On s'est réunis tout ensemble. On s'était dit, ça serait intéressant de joindre tous nos talents en un seul endroit pour le festival, et ça s'est fait sur un coup de tête et tout le monde a embarqué dans le projet, et de fil en aiguille, on est parvenu à avoir une belle salle d'exposition, d'accueillir plusieurs personnes du festival, des gens du milieu, et suite à ce succès, on est parvenu par la suite à faire une demande de financement à partir de Première Ovation. Et grâce à ce financement-là, aujourd'hui, cette année, on est en mesure de fournir une magnifique salle pour nos artistes et plein d'autres surprises. Et justement, ça devient important pour les auteurs qui veulent se faire connaître de se donner des opportunités de diffusion, et j'imagine de se donner des opportunités de diffusion dans le contexte d'un festival comme le FBDFQ. Ben, on utilise cette occasion. C'est exactement ça. C'est une occasion aux artistes pour être... avoir une image, d'être présenté... Ah, excusez-moi. Ça va être comme projeté, je pense, nous-mêmes étant des jeunes gens de la relève, on trouvait ça intéressant de justement proposer cette activité-là, d'essayer de continuer à lui donner vie, donc de juste embarquer dans un trip de gang comme ça, de faire un beau projet, c'est pas mal ça, ouais. Et évidemment, un peu comme avec des histoires muettes, vous avez choisi de donner une contrainte aux artistes et de vous donner une contrainte, puisque vous faites aussi des BD. Pourquoi la contrainte, justement? Est-ce que ça devient important pour, j'imagine, le côté unité de l'exposition ou pour orienter aussi la création ou un peu des deux? Ben oui, je pense que pour essayer non seulement d'orienter l'exposition, puis c'est sûr que en donnant la contrainte, ça donne un jeu, mais qui nous permet de quand même voir... Comment je peux dire ça? Même si on a une seule thématique, on a quand même une belle richesse, autant l'année dernière que cette année, dans les projets qui ont été proposés par les artistes, soit par les styles. Cette année, en fait, en proposant Histoire de quartier, ou sans en aller chercher, soit des quartiers où chacun a vécu des anecdotes aussi. C'est, finalement, ouais, c'est bien intéressant. Quoi. C'est pas parce qu'il y a un thème et une restriction qu'on est limité. Ça permet, entre autres, d'avoir une homogénéité dans l'ensemble, dans le contenu, dans le sujet. Mais c'est un défi qu'on lance aux artistes et ça leur permet en quelque sorte de se dépasser, de s'épanouir dans leur style propre. Et comme Catherine l'avait dit tout à l'heure, à leur donner la chance de fournir autant de richesses dans la narration et le graphisme. Donc, d'une certaine façon, quand on dit histoire de quartier, l'idée, c'est que ça se passe dans un quartier de Québec, mais il n'y a pas de contrainte de ton, il n'y a pas de contrainte au niveau du graphisme. Donc, tout est laissé libre dans la mesure où ça se passe à Québec. Ben, exactement. On voulait vraiment voir la couleur de chacun des artistes aussi. Une raison pour lesquelles on les a choisis. T'sais, on voulait vraiment voir leur personnalité, d'avoir des styles totalement différents. Ça ne fait pas peur. Au contraire, c'est ce qui rend ça encore plus funky, plus le fun, quoi. Donc... Oui, puis vous êtes associé, justement, il y a 9 autres auteurs, outre vous deux, qui participent au projet. Comment s'est fait un peu la sélection? On le fait un peu à 3 au bout du compte, au fil des coups de cœur, de lectures qu'on avait faites, de gens qu'on avait rencontrés au fil de l'année? Oui, ben ça par coup de cœur, aussi de connaissances. Ça a été un choix qu'on a fait à 3, quoi. L'année dernière aussi, on avait une sélection d'artistes qui s'était fait dans le même sens. Cette année, on voulait aussi avoir peut-être de nouvelles... nouveaux talents, des nouvelles têtes à l'exposition. Quoi. On essaie d'assurer cette idée-là. On souhaite également qu'à chaque année, on ait de la nouveauté, de nouveaux talents émergents. C'est sûr que certains auteurs peuvent retenter l'expérience lors de cette exposition, mais on tient à diversifier, à élargir les les limites, en fait. Oui, parce qu'en fait, on connaît de plus en plus, on peut dire, les auteurs établis, les gens qui publient, mais les gens qui publient déjà côté fanzine, qui vont publier éventuellement, on les connaît peut-être un peu moins. Et il y en a quand même beaucoup à Québec. Il y a un beau dynamisme, et ce dynamisme-là vient aussi en bonne partie des auteurs émergents. Exactement. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de talents à Québec. Et ce qui me peinait un peu, c'est que chacun y allait de son chemin. Et je me suis dit, avec la force du nombre et en s'enlignant tout dans la même direction, est-ce qu'on serait en mesure de fournir une belle expérience, de belles expositions, une communication, une coopération, une agglomération des talents? Et c'est ce qui fait... En tout cas, je suis fier d'avoir participé à cette aventure, et je souhaiterais également que ça puisse se reproduire encore pour les prochaines années. Oui, parce que c'est quand même la deuxième année d'un collectif. On est en train de lancer une tradition, dans le fond, au bout c'est du compte. Veut, oui, c'est veut. Ça. Exactement. Et au niveau de la thématique cette année, donc on parle d'histoire de quartier, la contrainte, évidemment, il y a le thème, il y a aussi la structure. On a deux planches, dans le fond, pour raconter ces histoires-là. Vous êtes auteur, vous êtes dessinateur. J'imagine que de synthétiser une histoire en deux planches, c'est déjà un beau défi en soi aussi. C'est un beau défi. Quand même, il y en a qui préfèrent juste deux pages, c'est fastoche. Mais non, essayer de rendre ça quand même intelligible, cohérent pour le lecteur en deux planches. On n'a pas le choix de faire des choix quand même. Déjà ça, c'est une belle contrainte, un beau défi. Le plus difficile, c'est justement, le plus dur, c'est de synthétiser, comme tu l'as dit, et de filtrer à travers ça. On a un flot d'idées, on a un flot d'informations qu'on voudrait transmettre, mais elles se résument en deux planches. Mais l'avantage derrière ça, c'est un peu l'inconvénient et l'avantage. L'avantage principal de cet exercice, c'est de pouvoir livrer un message clair, un message tangible et plein de charme. Et en même temps, on se dit justement deux planches, faut bien choisir aussi son sujet. C'est pas tous les sujets qui se synthétisent à ce point de manière efficace. Donc j'imagine que ça oriente, ça permet de faire le tri autour de ce qu'on souhaite raconter. Oui, il faut limiter à ce moment-là, il faut se limiter. Donc si tu te concentres si je prends un exemple, l'exposition Histoire de quartier, évidemment on va se limiter à un quartier spécifique. Mais c'est quoi les attraits du quartier en question? C'est quoi les éléments qui m'ont touché durant toute mon enfance, ma jeunesse et encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permet... C'est les souvenirs, finalement. C'est des souvenirs que chacun accumule au fil des ans, et je souhaitais que ces artistes puissent partager leurs beaux souvenirs de leur beau coin, de leur quartier. Et je crois que l'expérience sera un franc succès. Oui, en fait, d'une certaine façon, en termes d'exemple, il y a l'histoire de Tarasque et Draco qui nous amène dans Charlebourg, et eux ont décidé de raconter un souvenir d'enfance tout simple, des batailles de boules de neige. Donc, encore là, on parlait d'un sujet qui se prête bien à la synthèse et qui se prête bien aussi à l'approche graphique, mais je pense que c'est un bon exemple de ça. C'est déjà un bon exemple qui va aller également dans le sens des histoires qu'ils ont à proposer dans leur démarche. Donc, de remonter un souvenir d'enfance comme cela pour proposer une bataille où l'imaginaire. Exactement, l'imaginaire prend le dessus, où on voit peut-être des premières créatures, des premiers personnages, sait-on jamais apparaître, mais exactement. Oui, puis après ça, on voit au niveau structure aussi, peut-être un autre exemple qu'on peut évoquer, c'est les Assurés, qui ont choisi de prendre une chanson populaire, une chanson de Beaudommage, pour servir d'architecture, dans le fond, à leur bande dessinée. Donc, question justement d'appeler à la synthèse aussi. Là-dessus, il y a... C'est très diversifié. Chacun y va avec sa propre structure. C'est ça qui est bien dans la pratique de la bande dessinée. Chacun a ses propres règles et c'est à lui de les poser, de construire son squelette et de livrer son message à partir des choix qu'il s'est imposé dans le thème qu'il a été fourni. Et Alex Carou, Catherine Lemieux, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi parmi les auteurs de cette exposition Histoire de quartier qui va être présentée à l'espace Galerie Sherpa sur le boulevard Charest. Alors vous, qu'est-ce que vous avez choisi de raconter? Quel quartier vous avez choisi de raconter? Peut-être Catherine, de ton côté, toi c'est un trajet, c'est pas seulement un quartier, c'est trois ou quartiers au bout du compte que tu touches? À cause que je suis une grande indécise, j'étais pas capable de choisir, non, mais je pense qu'un petit peu à la blague, j'ai voulu proposer un parcours de bus carrément de Beauport à la basse ville, quelque chose qui me suit aussi dans mon quotidien, puis de proposer quelque chose d'un petit peu plus, par exemple, d'aller toucher quelques lieux qui m'ont touché, quelques lieux qui m'ont un petit peu plus interpellé. Donc, pas seulement des endroits que je vois tous les jours, mais qui ont une certaine histoire personnelle. Donc, je propose quelque chose d'un petit peu plus introspectif, Et je m'impose un autre défi. Moi qui dessine pas assez de bâtiments, ça a été... Oui. Non, c'est ça, c'est en même temps... Histoire du quartier, il y a beaucoup. Histoire du quartier, il y a beaucoup d'architecture. Faut pas s'en cacher, mais ça empêche la personne d'apporter un traitement un peu plus naïf, un peu plus simplet. Non. Là-dessus, tous les traitements sont possibles à ce moment-là. Et donc, on parlait d'architecture tout à l'heure, Catherine. Toi, c'est un peu le trajet d'autobus, le déplacement qui vient un peu servir de structure de base, en fond, d'amener d'un segment à l'autre de ta pensée, de ta réflexion, du regard que tu portes sur ta ville. Ben oui, c'est ça, exactement, en quelque sorte, de le proposer, par exemple, comment je vois peut-être mes souvenirs en regard, peut-être de paysages qu'on va voir défiler au fil de l'histoire, ouais. Et Alex Carou, de ton côté, tu t'es attardé au quartier de Sillery. Oui, ben principalement, j'ai vécu à Sillery une grosse partie de ma vie, et étrangement, là où mes souvenirs les plus clairs et les plus colorés se sont déroulés au Bois de Coulonges et au Pas très trop sur la rue Maguire. Je m'explique. Pas très trop, à l'époque, dans les années 1999, eh bien, il y avait René Angéline et Céline Dion qui mangeaient régulièrement leur poutine là-bas. Et ce qui rendait le lieu... en tout cas, manger une poutine au Pas très trop, c'était très glamour à cette époque-là. Et ça m'avait beaucoup amusé. Il avait un traitement un peu rétro qui me plaisait beaucoup. C'était en partie pour cette raison que j'ai choisi le Pas très tôt, et par la suite, dans mes planches, je vais parler de mes balades au Bois de Coulonges. Donc, on est vraiment dans les souvenirs d'enfance. Oui, c'est ce qui m'a le plus affecté. Puis, je n'hésiterai pas à revisiter ces lieux autant de fois que je le voudrais. Puis, je voudrais bien l'exprimer dans mes deux planches qui seront déposées à l'exposition. Oui, dans le fond, c'est l'apport émotif qu'on a un quartier. Le lien est lié au fait qu'on l'a habité, qu'on y a vécu. Et évidemment, un quartier dans lequel on a grandi va avoir un ancrage encore plus important parce qu'on a évolué, on a changé, on est devenu la personne qu'on est, ou on a eu les bases de cette personne-là dans ce lieu-là. Entre autres, et j'aimerais que les personnes qui sont des habitués du quartier de Sillery, quand ils vont voir les planches, je veux leur montrer les souvenirs qui l'ont pu passer là. Je pense que je suis en mesure de leur remémorer ces quelques souvenirs que moi aussi j'ai eus. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans le traitement dans ces deux planches-ci. Alors, donc, si on veut avoir un peu plus d'informations sur le projet, évidemment, le détail est sur le site du FBDFQ. Donc, je le rappelle, c'est du 1er au 11 avril. C'est à l'espace Galerie Sherpa. Donc, pas très loin, en fait, du boulevard Langelier. Un édifice très facile à trouver sur le boulevard Charest. Alors, ben, on lance donc l'invitation. Catherine Lemieux, Alex Carou, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui termine cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle que vendredi prochain, nous faisons relâche puisque c'est l'édition 2015 du Radioton de CKR. Toutefois, La Vie en BD aura une petite vitrine spéciale au fil du week-end, en fait le samedi à 14h. On aura plaisir d'avoir un entretien avec Bach. Et La Vie en BD sera de retour donc le vendredi 3 avril dans ses heures régulières. C'était Raymond Poirier au micro, c'est un plaisir d'être avec vous. Passez une bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.